longtemps que je ne t'avais vu. Et tu n'as pas changé, si ce n'est encore plus belle. Et je t'aime. Comme avant, je te vois frétiller toute nue sous la roue coulante cascade encore trop frêle et couleur crème. Simple et pur, je crois.